Allô, pardon, mais maintenant je peux pas vous répondre. Laissez votre message après le bip et je répondrai tout de suite. Merci.